Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude. Nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti. Bonjour Clara, comment tu vas ? Bonjour Laura, très bien et toi ? Ça va très bien aussi, merci. Dans cet épisode de rentrée, si, on est encore en septembre, c'est toujours la rentrée. Donc dans cet épisode de rentrée, on va parler du tabou des règles. Clara, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as décidé d'aborder ce sujet, s'il te plaît ? Mais oui, je vais d'abord expliquer ce que sont les règles, donc faire un rappel sur ce phénomène. Ensuite, on parlera de la construction du tabou au fil des siècles, pour aboutir à son expression à l'heure actuelle, et on fera un tour d'horizon dans le monde. Et pour finir, j'expliquerai quelles sont les actions qui sont menées pour lutter contre ce tabou, et pourquoi ces actions sont importantes. Très bien. Pour commencer alors, qu'est-ce que c'est les règles ? Eh bien Laura, chaque mois, chez une femme de la puberté à la ménopause, l'utérus se prépare à pouvoir accueillir un ovule fécondé par un spermatozoïde. Donc il va préparer un nid en fabriquant plus de muqueuse utérine, qu'on appelle l'endomètre. Et l'endomètre est effectivement la même racine que le mot endométriose, donc cette maladie dont un des symptômes est une grande douleur pendant les règles. À la fin de chaque cycle, tous les 28 jours environ, et en l'absence de grossesse, l'utérus va éliminer l'endomètre qui n'a pas servi. On va se débarrasser du nid et ça provoque un saignement vaginal qui va durer en moyenne entre 3 et 7 jours. Et c'est ça les règles ? Absolument. Et il est très important de noter que le cycle menstruel va varier d'une personne à une autre, qui va être plus ou moins imboudant, plus ou moins douloureux chez certaines femmes, et plus ou moins long, donc entre 3 et 7 jours. En moyenne, les règles vont se produire 450 fois dans une vie, et donc ça donne entre 2250 jours et 3000 jours de règles, et en cumulé, ça fait plus de 8 ans. Waouh ! En fait, c'est super long quand on met ça à l'échelle d'une vie. Oui, mais il faut rappeler que c'est un phénomène tout à fait naturel, et même avoir ses règles est un signe de bonne santé. Si on perd trop de poids ou si on a des soucis de santé, les règles vont souvent avoir tendance à disparaître. D'accord. Ici, on va, dans le sujet du tabou, vu que c'est orienté vers les femmes cisgenres, on va beaucoup parler de femmes, mais on n'oublie pas le fait que les hommes transgenres peuvent aussi avoir leurs règles. Donc, c'est pas seulement les femmes cisgenres qui ont leurs règles. Donc, on le parle. Les femmes transgenres qui sont sous hormones peuvent également avoir certains symptômes de règles, même si elles ne saignent pas. Elles peuvent en avoir. Donc, ça va être assez cis-centré, mais c'est parce que le tabou des règles est lui-même très cis-centré. Donc voilà, on n'oublie pas le fait que les hommes transgenres peuvent avoir des règles et que les femmes transgenres ont des symptômes qui s'apparentent aux règles lorsqu'elles sont hormonées. Du coup, puisque avoir ces règles, c'est un phénomène qui est naturel et qui est un signe de bonne santé, pourquoi les règles sont un tabou et est-ce qu'on connaît la construction de ce tabou ? On a effectivement des bribes d'explications sur la construction de ce tabou et on peut commencer avec un petit point étymologique sur le terme en lui-même. Le mot tabou est d'abord un mot polynésien. À prononcer tupua ou tapua selon certains spécialistes. Et c'est un mot qui signifie à la fois le sacré et les menstruations. Les deux mots sont entremêlés pour n'en former plus qu'un qui veut dire tabou, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dans l'Antiquité, les Grecs vont considérer que les femmes sont passives dans la procréation. Et des philosophes comme Socrate vont même aller jusqu'à définir les femmes comme des êtres inférieurs, qui ne sont destinées à demeurer que dans la sphère domestique, cantonnées à la cuisine et à la maison, et surtout inaptes à la vie politique, donc très éloignées d'une sphère publique. Pour Aristote, qui vient quelques années après Socrate, il pense quant à lui que les femmes sont une version moins aboutie que l'homme. Voilà, donc, on adore, génial. Ces hommes sont quand même des philosophes et des grands esprits de leur temps. Sensés. Voilà. Donc toujours à la même époque dans l'Antiquité, Hippocrate, qui a quand même donné son nom au serment d'Hippocrate dans la médecine, a été lui persuadé que l'utérus était un animal, oui, un animal qui se déplacerait comme bon lui semble à travers le corps féminin et qui, en l'absence de fécondation, commencerait tout d'un coup à très mal se comporter. Oh ! Et c'est aussi cette petite histoire sur l'animal, l'utérus animal qui se déplace à l'intérieur du corps qui a donné naissance au phénomène d'hystérie. Qui vient en fait du mot hystéria qui signifie l'utérus en latin. Et on rappelle que l'hystérie, ça n'existe pas. Non. Voilà, c'est une invention purement misogyne qui a servi à enfermer les femmes dans des asiles. Mais une invention qui dure jusqu'au XXe siècle, puisque Freud affirme que l'hystérie chez les femmes, parce que ça n'arrive que chez les femmes, se traite grâce à des vibromasseurs. Selon lui, le traitement miracle, ce serait un vibromasseur placé au niveau du clitoris pour redonner à la femme son calme et son aspect détendu. Parce que les femmes sont des paradigmes de douceur, et donc une femme qui n'est pas toute douce, c'est un problème. Ce qui est très drôle quand on sait qu'en plus Freud considère qu'une femme qui ne jouit que par le clitoris reste une enfant, et que pour devenir vraiment pleinement une femme, elle doit jouir par son vagin. Enfin, ça peut être une pénétration. Voilà, par pénétration. Et lui, il considère qu'on peut être calmé par des orgasmes enfantins, selon lui. Donc, Freud, hein, pas une contradiction près pour changer. Et donc, on peut dire que c'est charmant, tous ces hommes qui, clairement, n'y connaissaient rien et n'y comprenaient rien. Qui n'y connaissaient rien, effectivement, et ça a conduit à de nombreux interdits culturels au fil des siècles. Voilà, c'est toutes ces croyances et ces légendes autour de la femme et du sang qui coule ont donné lieu donc à des interdictions. Une femme qui a ses règles, par exemple, ne doit pas s'approcher des ruches, elle risque d'abîmer le miel. Une femme ne peut pas mettre le vin en bouteille parce que le vin va tourner au vinaigre. Et on n'a pas non plus le droit de faire des conserves parce qu'elle ne se conserverait pas, elle serait gâtée par le sang des femmes. Et donc préjugé plus moderne, mais les femmes qui ont ces règles ne parviendraient pas à faire monter une mayonnaise ou monter des œufs en neige. Voilà. Et certains de ces préjugés sont encore ancrés. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres qui se sont rajoutés au fil des années. Le plus connu, si une femme est de mauvaise humeur, ah bah c'est qu'elle a ses règles, comme s'il n'y avait aucune autre raison pour expliquer la mauvaise humeur d'une femme. Alors, une question qui, pour le coup, est encore aussi taboue, le fait qu'une personne qui a ses règles ne puisse pas faire l'amour. Alors, d'un point de vue médical, il n'y a aucune contre-indication. Après, c'est une question d'affinité et de désir et d'accord avec le partenaire. Et ils sont en accord avec soi-même aussi. Et en accord avec soi-même, de confort avec le phénomène, effectivement. Et puis... Avec le ou la partenaire, d'ailleurs. J'ai dit son partenaire. Son ou ça. Ah uh-huh. J'ai cru que le partenaire était neutre, et que c'est ouais. Vrai. C'est le terme en lui-même est épicène, oui. Mais le... Eh bien, son ou sa partenaire, effectivement... et de manière plus triviale, enfin, on peut tout à fait aller à la piscine ou prendre un bain pendant ses règles, aucune contre-indication. Alors, ma grande question, c'est pourquoi le sang des règles, qui est parfaitement naturel comme on l'a dit, il est autant tabou alors que celui qui provient de blessure, lui, ne l'est pas. Alors, pour répondre à cette question, il faut plutôt aller chercher du côté de l'anthropologie. Et c'est notamment Françoise Héritier qui a mis en avant cette dichotomie, donc entre un sang qui coule chez les femmes par les règles et un sang qui coule chez les hommes par une blessure. L'explication serait que les femmes vont subir cet écoulement du sang qui est naturel. On ne le contrôle pas, on ne choisit pas d'avoir ces règles, on ne va pas choisir le jour du mois où ça arrive. Les hommes, par contre, ils sont considérés comme ayant choisi que le sang coule. Ils vont aller chasser, ils vont aller se battre à la guerre. Donc d'un côté, on va avoir... un sang qui va couler de manière incontrôlable, qui va être considéré comme impur et qui va indiquer l'infériorité de la femme. Et de l'autre côté, on trouve des valeurs comme la maîtrise, la gloire et la supériorité qui justifient qu'un homme fasse couler son sang. Donc tout ça a pour effet que les règles, le sang des règles va donc devoir être caché. Et c'est ça qui va peser de plein fouet sur les femmes. Les règles vont devoir rester socialement indétectables pour être socialement acceptable, d'où l'emploi de 1000 expressions pour désigner le phénomène, pour les qualifier de manière détournée. Donc on pense à les Anglais ont débarqué, les Ragnagna, enfin il y en a plein d'autres, vous devez en connaître aussi un paquet de votre côté, ça change selon les régions, selon les cultures, mais il y en a des centaines, selon les langues, au moins des dizaines. Voilà, dans toutes les langues, il y a un millier d'expressions, donc en anglais, en français, en espagnol, il y a énormément d'expressions. C'est ça. Du coup, de nos jours, dans le monde occidental, comment se traduit cette soi-disant impureté des règles ? L'impureté est très visible dans tout ce qui va être marketing. On va s'appuyer sur cette fausse croyance de l'impureté et même de la saleté pour mettre en avant du coup tout ce qui va être serviettes, tampons, qui vont nous permettre de rester fraîches toute la journée, entre guillemets, pour qu'il n'y ait pas d'odeur, pas de taches, que tout soit très très propre. On est limite dans une logique vraiment de hygiénique au sens un peu monomaniaque de l'hygiène. Et alors qu'avec une bonne hygiène, vraiment, mais au sens hygiène du corps, les règles ne vont rien sentir. Il n'y a pas de mauvaise odeur, pas de mauvaise surprise. Et donc, mais c'est quand même, voilà, donc on a des siècles de tabous qui se sont construits lentement. Et à ça, on va adosser un matraquage publicitaire et marketing. Et les deux ensemble sont un peu un cocktail empoisonné, parce que ça va perpétuer un sentiment de honte chez les femmes face aux règles. Il y a des études qui montrent que 44% des Françaises, et encore plus aux États-Unis, c'est 65%, 68% pardon, des États-Uniennes, qui éprouvent une honte pendant les menstruations. Dernier aspect de ce marketing erroné et qui induit des sentiments vraiment de honte et des sentiments négatifs, c'est le sang bleu, évidemment, dans toutes les publicités, et enfin le terme protection hygiénique, alors que c'est un phénomène naturel. Et on nous incite à nous protéger face aux règles pour qu'il n'y ait pas de taches, pas d'odeur, et donc on sous-entend que le phénomène est sale. D'accord. Dans le reste de l'émission, on va parler de protection périodique, du coup, on va enlever tout ce qui est hygiénique. Je sais pas ce qu'on pourrait utiliser comme terme ombrelle pour désigner serviette, tampon, autre que protection. Du coup, à défaut de ça, on va employer le terme protection périodique, mais garder en tête, voilà, qu'on va essayer, le but, enfin, c'est gênant d'indiquer qu'il faudrait se protéger de cette tâche qui serait une voilà, immense... les règles ne sont pas un problème d'hygiène, elles sont liées à l'hygiène, c'est important, on va en reparler, mais en soi, ce n'est pas un problème d'hygiène, ce n'est pas une saleté. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des personnes adultes qui ressentent cette honte, puisque bah, dans toutes les personnes qui ont été interrogées dans les études, il y a beaucoup d'adultes. Qu'est-ce qui se passe, du coup, pour des personnes dont leurs règles arrivent pour la première fois ? Alors, en plus de la honte, il va y avoir des sentiments assez variés. En Angleterre, c'est la moitié des jeunes filles interrogées qui se sont senties ignorantes le jour de l'arrivée de leurs premières règles. Aux États-Unis, c'est même un peu pire, parce qu'il y a 40% des jeunes filles interrogées qui ont eu peur de ce sang qui coulait. Et on explique ça, cette peur, surtout par le manque d'informations. On en reparlera ensuite. Ces premières règles et l'apparition des règles a souvent des conséquences un peu drastiques dans certaines régions du monde sur la vie des jeunes filles. Par exemple, ça va entraîner dans beaucoup de pays, notamment en Afrique et en Asie, de temps en temps, la déscolarisation des enfants. En Inde, c'est 40% des filles interrogées qui ne vont pas à l'école lorsqu'elles ont leurs règles. Au Niger et au Burkina Faso, on est à 35 et 21% des filles interrogées qui vont manquer l'école à cette période. On explique donc cet absentéisme périodique de plusieurs manières. On a l'absence de toilettes séparées dans les écoles, le manque d'accès à des protections périodiques, ou tout simplement une honte et un manque d'informations liées à ce phénomène. Oui, et du coup, qui dit déscolarisation une fois par mois, enfin tous les 28 jours en moyenne, ça peut entraîner une déscolarisation plus importante par la suite, impacter la vie de ces jeunes filles quand elles deviennent adultes. Oui, le risque, c'est que ça soit un peu le début d'un cycle infernal, que les notes baissent et que la déscolarisation définitive arrive, ce qui est très embêtant quand on sait qu'une année supplémentaire scolarisée pour des jeunes filles dans ces pays-là permet d'améliorer grandement leur perspective d'avenir et leur perspective de carrière professionnelle aussi. Oui, et en plus, on sait très bien que l'éducation des jeunes filles est essentielle au développement des pays. Plus les jeunes filles sont éduquées, mieux un pays se porte. Donc on voit qu'il y a un manque d'information et d'éducation qui est flagrant et qui est très problématique. Mais il y a d'autres choses aussi qui... Il y a d'autres choses, et il y a des phénomènes un peu plus graves qui ne touchent pas seulement donc les jeunes filles, mais les femmes, même quand elles deviennent plus âgées. Et ce qu'on appelle l'exil périodique, donc des femmes qui vont être isolées vraiment de la société. Au Népal, jusqu'en 2005, il y a une loi qui a rendu ça illégal, mais il y avait une tradition qui s'appelait Chau Padi, et qui était appliquée, qui obligeait les femmes à rester cloîtrées seules pendant une semaine, donc pendant toute la durée de leurs règles, à l'écart du village. Donc c'est une période pendant laquelle elles sont exposées grandement au risque de maladie, parce que souvent c'est dans une masure à l'écart du village, il n'y a pas d'eau, elles sont à peine nourries, et elles sont vraiment dans des conditions très insalubres. Oui, parce que le tabou insiste sur le soi-disant manque d'hygiène des règles, sauf que ce tabou, il crée un manque d'hygiène, mais ça, c'est passé sous silence. Si on revient en Occident, lorsqu'on regarde la composition des tampons ou des serviettes qui contiennent de la javel ou des pesticides, on voit bien que clairement notre santé, notre hygiène, elle est vraiment pas prise en compte dans la constitution de ces produits. Et pourtant, on nous les vend comme ça va être le remède au soi-disant manque d'hygiène créé par les règles. Voilà, sous couvert de résoudre un problème, en fait, on va en créer d'autres sans aucun regard pour la santé de la femme en question de manière générale. Alors que c'est pas un vrai problème. On sait qu'il y a le flux instinctif qui se développe, ça commence à devenir à la mode des femmes qui arrêtent de porter toute protection et qui écoutent leur corps et pour savoir quand aller aux toilettes pour laisser couler le flux, justement, puisque ça vient par vagues. Et donc c'est pas un problème d'hygiène, c'est un problème de comment connaître son corps, mais par contre ce qu'on nous fait mettre sur nos muqueuses, ça c'est un vrai problème d'hygiène. Mais donc on a ce problème là, nous qui avons accès à des protections périodiques, mais il y a des femmes selon les circonstances qui n'ont même pas accès à ces protections là et c'est un problème qui est d'une ampleur bien différente et bien plus grave. Les conséquences, effectivement, sont bien différentes. Au Kenya, par exemple, les femmes et les jeunes filles n'ont pas du tout accès à ces protections auxquelles nous avons l'habitude. Et elles vont utiliser des torchons, des feuilles, du papier journal ou même des morceaux de rembourrage de matelas qu'elles vont parfois même s'insérer dans le vagin pour absorber ce flux. Et donc, bien sûr, c'est inefficace sur le plan de la protection et de la récupération du flux. C'est donc problème d'efficacité, mais il y a surtout des risques hygiéniques considérables, et cette fois on parle vraiment d'hygiène d'hygiène du corps de manière générale. Les utilisatrices de ces méthodes peuvent tomber malades, ça va favoriser des infections. Alors là on parle du Kenya, mais ce problème se pose, j'ai envie de dire, même dans la rue en bas de chez nous, parce que les femmes SDF en France sont aussi confrontées à ce problème. Elles ont des difficultés à obtenir des protections périodiques, parce que souvent les centres d'accueil n'ont pas pensé à prévoir ce genre de protection, et elles ont aussi du mal à avoir accès à des douches régulièrement, ce qui va augmenter les risques sanitaires. Donc, plus globalement, on va estimer dans le monde qu'il y a quand même 500 millions de jeunes filles et de femmes qui n'ont pas du tout accès aux protections périodiques telles que nous on l'entend. À cet égard, qu'est-ce qui est fait pour combattre ce manque d'accès aux protections périodiques? Comme on l'a vu, ça pose des graves problèmes au niveau de l'hygiène. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup d'ONG et des organisations à but non lucratif qui se battent un peu sur tous les fronts. Donc déjà, pour une meilleure connaissance et une acceptation du phénomène qui est naturel, on le répète, et qui permet une meilleure connaissance de soi, donc une meilleure hygiène. Il y a aussi, de manière plus concrète sur l'accès aux protections périodiques, des organisations telles que Femmes Internationales qui va distribuer des kits en Afrique de l'Est qui contiennent des coupes menstruelles, des tampons réutilisables, du savon, une serviette pour s'essuyer, un bol pour laver donc ses affaires et un petit miroir pour se connaître. En ce qui concerne les personnes SDF cette fois, on connaît une association qui s'appelle Distributing Dignity aux États-Unis, donc distribution de dignité, et qui fait le même travail que la fondation Le Cordier en France, et ces associations s'engagent à distribuer des produits d'hygiène intime dans les centres d'accueil pour personnes sans domicile fixe. En Inde, on est sur une formule un petit peu différente, puisqu'on a un site internet qui va proposer des contenus multimédia. On a des BD, des petites vidéos pour dépasser le mythe sur les règles et apprendre aux femmes indiennes à accepter ce processus sans honte. L'Inde, malgré son grand développement et sa croissance forte, reste un des pays où le tabou sur les règles est très important. On a l'exil périodique, on a encore un secret autour des règles qui est très prégnant. Une action de l'UNICEF qui s'appelle le programme WASH œuvre cette fois en Afghanistan. Et ce programme vise à apprendre l'hygiène aux jeunes filles et à installer des équipements hygiéniques à l'école, parce que le manque d'infrastructures est très souvent un problème. On disait tout à l'heure, ce qui leur permet avec de meilleures infrastructures, c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes filles vont moins à l'école pendant leur période de règles. Du coup, de meilleures infrastructures, ça veut dire moins de déscolarisation, et donc c'est une bonne chose pour... C'est une amélioration pour non seulement comment elles vivent leurs règles, mais c'est une amélioration de leur perspective, donc c'est très positif. L'UNICEF a d'autres programmes, par exemple en Bolivie, toujours pour améliorer l'environnement scolaire, et cette fois on va proposer des produits absorbants et des meilleures toilettes. Donc le tabou demeure dans certains pays, mais l'éducation et la meilleure connaissance des règles a un effet très bénéfique sur les jeunes filles. Par exemple, le Centre américain de biotechnologie a fait une étude dans les écoles iraniennes, et où des cours sur la menstruation et l'hygiène ont été proposés. Et ils ont été suivis avec assiduité dans certaines écoles et on note des taux de participation qui sont très concluants. Et enfin, au Ghana, une étude a été menée pour le Menstrual Hygiene Day. Et cette étude a montré que la scolarisation des filles avait augmenté une fois qu'elles avaient reçu des serviettes hygiéniques gratuites et des serviettes périodiques et une vraie éducation sur le sujet et le phénomène. Ça, ce sont des bonnes nouvelles. Ça montre que ce tabou, on peut s'en défaire. L'éducation donc, reste essentielle, comme toujours. Reste une solution de premier plan, tout à fait. En Occident, on a vu aussi un certain nombre d'initiatives pour mettre les règles sur la place publique, puisqu'on a moins ces problèmes d'éducation, même s'ils sont là quand même. Il y a quand même beaucoup. On a vu les études, il y a quand même beaucoup de filles, enfin de personnes, lors de la première fois de leurs règles, ont peur. Sont pas informés, il y a un tabou, il y a un compte Instagram qui récupère des témoignages et qui montre qu'il y a eu plein d'enfants qui en fait ont caché à leurs parents l'arrivée de leurs règles parce que elles savaient pas quoi faire et tout ça. Donc il y a des initiatives en Occident pour mettre les règles sur la place publique, les sortir de la sphère privée parce que le privé est politique aussi. Donc qu'est-ce qui a été fait? Oui, il y a des lacunes même en France. C'est pour ça aussi, je pense tout d'un coup au débat sur tout ce qu'il y a eu, que mettre dans les manuels scolaires aussi. Donc c'est vraiment par tous ces biais-là que le débat arrive sur la place publique. Il y a une des initiatives qui sont intéressantes, ce sont tout ce qui va tourner autour d'un nouveau marketing, d'une nouvelle image publicitaire, donc à la télé et sur le web, pour normaliser les règles, des nouveaux spots sur les protections périodiques. On pense bien sûr au sang bleu qui va l'être de moins en moins, on l'espère. Et oui, sur. On a plus en plus de pubs où le sang est rouge, enfin le faux sang est rouge, donc ça se rapproche de la réalité. Alors ça fait pas l'unanimité. Une des pubs qui est sortie en Suède, je crois, il y a pas très longtemps, a reçu plus de 600 plaintes. Donc oui, on est quand même sur. Oui, on voit qu'il y a une non-acceptation. Des réactions. Une non-acceptation des règles, beaucoup chez les hommes. Et oui. Il y a aussi les femmes qui sont très mal à l'aise par rapport à ça. Après, on ose espérer qu'au fur et à mesure, les gens vont s'habituer. Oui, il y a du progrès. Alors, il y a eu, on se souvient des photos qui ont été censurées sur Instagram, mais ça a eu au moins pour effet positif de lancer la conversation sur ce tabou et la façon dont les réseaux sociaux pouvaient soit perpétuer les inégalités, soit être un moyen de les réduire. On pense à tous ces comptes Instagram qui font beaucoup d'éducation et d'information sur le sujet. On a eu pléthore d'ouvrages, de livres, de BD, même de comics qui ont vu le jour pour parler de ce phénomène. On a eu des slams en public, des expos photos, des films et des documentaires. Les femmes se sont vraiment emparées de la question par tous les angles, d'une approche plus scientifique ou plus artistique, pour vraiment espérer à l'avenir. On espère voir de plus en plus de femmes pouvoir demander une serviette dans un open space sans avoir à murmurer à sa collègue, marcher sans avoir à cacher sa serviette ou son tampon dans sa manche en allant aux toilettes pour le changer. Et surtout, moi, ce qui me fait... J'ai été vite... Enfin, ça m'est arrivé, mais on descend en bas de la rue, on va à la supérette parce qu'on a besoin d'un paquet de tampons et on va prendre à côté... une bouteille de soda et un paquet de chips, et on ne regarde pas le caissier dans les yeux parce qu'on a honte. Voilà, on espère que ça ne sera plus le cas avec cette libération du sujet sur la place publique. Mais tous ces progrès montrent qu'on a une nouvelle génération de féministes qui se sont saisies des sujets intimes, des sujets liés au corps. Alors la question des règles a bien sûr été investie avant le mouvement MeToo de 2015, et notamment avec l'action du collectif Georgette Sand. C'est grâce à lui qu'on a pu faire baisser le taux de TVA sur les produits de protection périodique. La revendication qu'elles ont portée a abouti à une loi qui a fait baisser de 20% à 5,5% le taux de TVA sur tous ces produits. Parce que pour ceux qui ne sont pas forcément très au fait de cette loi, les règles, et donc les produits pour les règles, étaient assimilés à des produits de luxe. D'où le 20%. Donc vu le prix qu'on paye, effectivement, on peut se dire que ce sont des produits de luxe, mais on choisit pas d'avoir ces règles. Donc ça reste des produits de base, d'hygiène, et donc ça devrait... Ça devrait être accessible. On parle de l'accessibilité, du coup, des produits périodiques au plus grand nombre. On revient à ce sujet-là. Parce qu'on n'a pas parlé du coût. On a parlé des jours et tout ça, mais on n'a pas parlé du coût d'avoir ces règles. Du budget. Budget, voilà. C'est un véritable budget. Ça coûte très cher d'avoir ces règles. Et la TVA, ça arrangeait pas les choses, que 20%, 20%, c'est toujours des sous en plus, alors que 5,5, c'est déjà mieux. Alors en France, on ne peut pas avoir un taux zéro parce que notre législation fait que. Et donc 5,5 de TVA, c'est le minimum. Oui, c'est mon côté fiscaliste hein, qui parle. Voilà. 5,5, je crois que c'est le même taux que la restauration. Donc, comme ça, restauration voilà. Et produits de première nécessité, comme le pain et tout ça, je crois. Donc là, on est revenu sur quelque chose d'un peu plus acceptable. C'est ça, c'est des produits de première nécessité. Voilà, mais donc plein d'initiatives liées aux règles qui aident à faire progresser la lutte contre le tabou. Et ça dépasse même les règles, puisqu'on a des campagnes maintenant sur l'endométriose pour plus de sensibilisation, pour inciter les femmes à consulter. On a des publications de livres en rafale pour préparer ce podcast. On a vu énormément d'ouvrages, de documentaires et même des documentaires qui peuvent être parfois récompensés aux Oscars. On vous mettra le lien pour celui-ci qui doit être disponible sur YouTube. Ah oui, c'était sur le tabou des règles en Inde, c'est ça ? Absolument. Parlant de l'endométriose, vu que là on aborde rapidement le sujet, on vous rappelle que ça touche 10% des personnes qui ont leurs règles. Et je sais qu'on est beaucoup à avoir entendu en grandissant que avoir un peu mal quand on a ses règles, bah, c'est normal et tout, donc on a l'habitude de taire notre douleur. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Ce n'est pas normal, donc vraiment n'hésitez pas à consulter votre gynécologue ou votre sage-femme et à demander à être diagnostiqué pour ça. Et si votre gynécologue, puisque je pense que dans l'ensemble les sages-femmes sont bien plus à l'écoute sur cette question-là, ne veut pas vous diagnostiquer, vous dit que vous êtes une chochotte ou quoi, franchement n'hésitez pas à changer de gynécologue ou à prendre une sage-femme ou quoi, parce que ce n'est pas normal d'avoir mal, donc vraiment faites les démarches pour mieux vivre ce moment-là hein, et tout simplement ouais aller mieux quoi. Du coup, pour revenir au sujet sur le tabou par rapport aux règles, Clara, qu'est-ce qui peut être fait pour aller encore plus loin ? Eh bien, pour faire accepter encore plus ce phénomène, on pense à quelque chose d'assez simple à mettre en place. Par exemple, un congé menstruel pour les personnes dont les règles sont particulièrement douloureuses ou gênantes. Personnellement, ma première journée de règles est toujours un peu compliquée et j'ai du mal à me concentrer au travail, enfin... Voilà, donc une journée, c'est pas une excuse pour ne pas venir travailler, mais parfois c'est vraiment gênant et ça va impacter beaucoup une journée ou une journée de travail. D'autres exemples de choses qui peuvent être faites, c'est se concentrer sur la médecine, la recherche médicale, pour vraiment réduire le fossé entre les sujets féminins et les sujets masculins qui ne sont pas du tout traités dans les mêmes proportions au niveau de la recherche médicale. On sait qu'il y a 5 fois plus d'études et de recherches consacrées au dysfonctionnement érectile. Alors pour rappel, le syndrome prémenstruel par exemple, donc lié aux règles, ça touche 90% des femmes et des personnes qui ont leurs règles. Le dysfonctionnement érectile, ça touche 20% des hommes. Donc on est sur des proportions mesure, qui ne sont absolument pas comparables. En gros, si on simplifie, il y a 5 fois plus d'études pour les problèmes de dysfonctionnement érectile, alors que ça concerne 5 fois moins de personnes. Absolument. En gros. C'est bien résumé, oui, oui. La recherche médicale, si elle est boostée, elle permettrait peut-être de trouver un traitement à l'endométriose dont tu parlais tout à l'heure. L'endométriose, c'est une maladie dont on connaît l'existence depuis 150 ans. Par comparaison, le Viagra, il a été inventé il y a 20 ans. Donc, on n'est vraiment pas sur les mêmes priorités dans toute cette recherche médicale. Donc, il faut recentrer les priorités et la recherche sur des sujets qui vont toucher beaucoup plus de monde et qui sont beaucoup plus grave et qui pose de vrais problèmes de santé que publique. Et que les études sur l'endométriose concernent vraiment la recherche d'un traitement. Parce qu'il y a une étude, il n'y a pas longtemps, qui est sortie. Il y a un mec qui voulait savoir si les femmes qui étaient atteintes d'endométriose étaient plus attirantes que les autres. Genre, en quoi c'est utile ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Déjà, je vois pas la corrélation entre le fait qu'il y ait une endométriose et enfin qu'une femme ait une endométriose et qu'elle soit sexy. Et effectivement, la question est très tordue et... Et s'il y a vraiment eu une étude sur ça ? Ouais, je te promets. D'accord. J'irai pas voir les résultats. Moi non plus. Mais bon, voilà. Enfin, l'idée des mecs, quoi. Donc, des vraies études sur d'où vient l'endométriose et comment la traiter. Du coup, merci. Je crois qu'on a fini, Clara. Donc, merci pour tes explications, pour ton temps. Merci, Laura, pour l'invitation. merci de nous avoir écoutés. Comme toujours, vous retrouvez nos sources dans la description de l'émission. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens vers nos comptes sont en bas de la description. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé l'émission et si vous aimez notre travail en général. On a dépassé il n'y a pas longtemps les 4000 écoutes et c'est grâce à vous. Donc plus de 4000 fois, merci, merci, merci. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission du Thé Féministe. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du Thé Féministe. On se retrouve le mois prochain.